Jacques Pemba. Oh, Jacques Pemba, oh, bolingwa lia. Ya alia e. Prophète Elia. Saima Pemba. Akanga kimvula pendant 3 ans. Grécy Pemba. Nana kokyo kanga ba larme nanga ata de jour à Pemba. C'est payé qu'on a la kabato plus de 30 koutou. Incapable à kokonane souci. Ata de jour ya prison ya Pemba. Oh, Alain Bokoli. Alia vungule na fimwa la ba. Monango totai fini. Ando ya love zanga suka. Nika boroni. Ando ya love zanga. Lorette Mpemba. E zanga suka. Iran Muyamba top model de Londres. Jack Pemba. Amuna yonzo ke salakina mo. Malonde. Cedric Mpoku. Ome miango na basume. Okaka ye basuka. Smart to send a chef de cartel. Okatino kura. Nazangi chalerme yo. Chaque Pemba maquillage Pemba sala kapuna séduction de Hollande apparence de absence na yona zamoué. Soki bache moteur na pousu, identité changée pousu poussera comme une chauffa. Serge Fomba. Nenge na fina ngai, soki oche ba souci. Cha vivante na zui identité ya moué. Moué. Mama. Moué. Colonel Kakunji porte pique. Cantino e zume mazelo na mabanga maina ngwe koma kankera ora komela me amour ngwe kona makasa na komela na soif nyoso akenda kenda ya essence na kondi marisque ya komela o Jack Pemba Bernadette Mundia Colonel Mike Mikombe Jack Pemba lende toujours amona yo nzoke sala kinango balonde ome miango na basobe okaka ye basuka Ben Sekimoni Dode Ditsa Top Night Nasangi chalerme yo Pasinanga Alia Pemba Niklet Kaya Amuna yonzo kesala kinango Malonde Ome miango na basume Nana Swana E basuka Afeksyona yo kuvez Okatino kuma Nisha Omoyi Nasangi chalerme yo Pasinanga Alia Pemba Adjo Viliker Sephora Christelle Biancho Regina Pembele Costa Diomio Yametiola Boris Enzo Audrey Minador Jack Pemba mon amour Moto a ferba me kaka Na loboko na lita mate Ata kamyo ya se spine Zala kana vola moko Basi parla na boya Na kangamana yo Jack Pemba Na boya basabla na bolingo nangai Nini ngana sangi Otala na reto mila Rockstar doll la star Willy Claude Njam Aminu fui di kwa mamu luzingu kondienda Trezo bozu persasi Nika suate elali no mai Jame koko masu kalie Katika yele fam delikse Jidite ita Boduka la rende shin mama ya mwane Tselele Mesi ramaya Benua luye ilampere Kola mafufu na esprit ya ekolote Oko ya kote bisae Serge Mundo Sekio, Badi et Bio. Lilo Tilili Ayemina, le patre. La joie cabello. Yige Banda 100% parisien. Jappemba, Francis FBS et Songé en bébé. Balonde, au même amour à Bazoumé. Au caca et Bazouka. Affectionna yo couvez, au catino courant. Nasangi chalerme yo, pasinanga Alia Pemba Kulingate malami poma pona Alia Pemba Fiso ya mitzula Esika ozali mwye baka malakaka yo Omo temay, zunga nabika Alia Pemba Modugo le grand mekano Oscar Jonata bulingi bangi, didye kalema Kiyome vangi bijou, embi Benedikte Batalanti, numero 5 Kadima kutima unyo kulinga mingi Ya ko desactiver bombo ya va exploser na motema combien de mots, combien de blessures provoquées dans le monde de Bolingo. Mathieu, Madia, Melissa, Madia, Mechili, Mouila, Chedalom, Signorito, ma papi, Chungé, Kassirei, Gloria, Olangi. Orsini, Omen. Amona, Yonzo, Kesara, Kinambo, Guilema, Vakale. Omen, Yamona, Vasoumé, Mokaka, Elvis, Sugar. Affectionna, Yokouves, Manak, Sakala. Manix et Chimpoki de London. Nana Leli au Montema, Nana Lela Kaye. Bote à Montema, Nana Lela Kaye. Apete à Silama Ponama Kanisi, Mayo au Montemae. Son Anabika Cedric, Poutou, Jenny Play la Londres.